débouché, ouais, je suis un fire like that. Bouchon pense à ça, veut me voir ta part d'air. Nouvel épisode en série ou des boules de mèche. Prends ta mèche, prends toi-même, biche. Prends toi 5, biche. Tu vois tout ton business dans la pitre, biche. Tu te touches sur des persos comme ta zombie. Elle était prête à me sucer quasiment. J'espère ta fou, tu m'appelles que Magellan. J'flex sur ce pavé quand je passe au vieux lion. J'flex dans tes yeux rouges quand je wind ta gauche. Hey, oh, j'flex, oh, gamma, bah, même fond, bah, même au A, bis, même toutes les bosses, même les rires, bah, en MG. Solide, je ressemble à trop B. Je fais la prod, j'écris, je mixe et direct ça la croque. Elle le croit, elle s'en fâche parce qu'elle en sait trop B. Je suis dans la maison, l'ennemi m'attend comme une toupie. Hey, demande à l'opi, on est ralif, on a un. Je déboule comme Fofana, Fofolet, je déteste ma femme. Hey, ouais, le sirop, la salade. À la rate, la rage, ta vie, frère, je te passe le salam. Je suis sur la péniche, comme un amiral. On a pris le bon virage, on a fait les bons choix. J'en ai regretté, toute l'année je suis pété. Ça va pas peut-être. Tu gabardes des 2000, je te vois comme un prêtre. Toutes les bosses, même les rires, dans un objet.